Une certaine fille très douce passa sa vie en jeûne, en veille, prière et privation de corps, de telle sorte qu'elle fut réputée et tenue pour sainte par un chacun. Elle tomba malade et proche de la mort, se confessa à un prêtre très dévot, lequel ne la connaissait pas, et ignorait la grande présomption de sainteté en laquelle vivait cette fille, mal avisée, pour ne lui en dire mot durant sa confession. Après sa mort, il advint qu'elle lui apparut, toute noire et horrible à regarder. De quoi, tout épouvanté, le prêtre lui demanda qui elle était. Elle lui répondit qu'elle était cette fille, estimée sainte d'un chacun, et qu'elle fut damnée sur la faim. Elle avait été précipitée dans les feux éternels, avec les plus bas démons, et autres damnés, à cause de sa superbe, en grande présomption de sainteté, en laquelle elle avait vécu. N'estimant qu'aucun ne pouvait se comparer à elle, élevée par son arrogance au-dessus de tous, les méprisant tous, et n'en tenant pas compte. C'était la cause de sa damnation dont elle ne pouvait être délivrée d'aucune façon. Ajoutant que, si toutes les eaux de la mer seraient sèches, et que tous ses abîmes seraient remplis de grains de moutarde, si un oiseau venait prendre dedans un seul grain par an, elle était sauvée, après que cet oiseau emporterait tous ses grains. Qu'elle voudrait endurer toutes les peines d'enfer jusqu'à ce temps-là, pourvu qu'après cela, elle peut entrer au ciel. Mais elle n'espérait pas cela, car il n'y a aucune rédemption en enfer. Et pour cela, que vous, ni aucun autre, ne priez pour moi, car je n'en serai jamais délivré, dit-elle au père confesseur. Les infidèles resteront à tout jamais dans ce lieu maudit, de telle sorte que, si le monde était rempli de grains de millet, et qu'un oiseau y prenne un grain tous les 100 ans, jusqu'à vider le monde. Et lorsqu'il sera vide, les infidèles iraient au paradis, heureux, pour se reposer avec bonheur. Mais là n'est pas cette espérance, car leur tourment ne peut avoir de fin, puisqu'ils n'ont pas voulu mettre fin à leur péché, par amour pour Dieu.